Isanganiro. Il est midi 55 minutes. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 10 janvier 2018. Voici les grands titres de cette édition. Les membres du gouvernement continuent à appeler la population à voter oui pour le prochain référendum constitutionnel, même si le code électoral interdit toute campagne avant le temps prévu. On fait le point dans ce journal avec notre correspondant Arumongue qui nous rapportera des discours discordants de Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, et celui de Terence Nairaja, assistant du ministre de l'Intérieur, tous les deux du CNDD-FDD. Nous reviendrons aussi sur les éclairages donnés hier sur cette question par un expert en matière des élections. Et le commerce de chèvres a été interdit en commune de Bougindana de la province Gitega depuis qu'une maladie inconnue a décimé des chèvres sur 5 collines de cette commune. Et les commissions électorales dans les communes qui composent la mairie de Bujumbura ont été mises en place ce mardi. Le président de la commission provinciale affirme que la nomination de leurs membres a tenu compte des équilibres. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je venais de vous le dire, la campagne de sensibilisation pour le oui ou le non au projet de constitution n'a pas encore débuté. Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale du Burundi, l'a dit ce mardi à Rumonge. C'était lors du lancement de la campagne d'explication des nouveautés contenues dans ce projet de constitution. Terence Nairaja, assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur, a néanmoins appelé la population de Rumonge à voter oui. Jean-Pierre Misago. À la fin de sa première intervention, Terence Nairaja, porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique, a appelé la population de Rumonge, présente dans cette rencontre, à voter oui au projet de constitution qui sera bientôt soumis au référendum. Pour Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale et qui présidait cette rencontre de Rumonge ce mardi, on n'est pas encore là. Réagissant à certaines interventions, la campagne d'enseigner le oui ou le non à la nouvelle constitution n'a pas encore commencé. Pascal Nyabenda dit que c'est seulement la campagne d'explication des différentes modifications intervenues qui commence et ça se limitera à cette explication. Il ajoute qu'au moment venu, il reviendra enseigner les électeurs, cette fois-là sous une autre casquette. Les chefs de service, les élus, les représentants des partis politiques, les représentants des confessions religieuses et de la société civile de Rumonge étaient réunis ce mardi à Rumonge autour du président de l'Assemblée nationale pour le lancement de la campagne d'explication à la population du contenu du projet de la nouvelle constitution à soumettre au référendum. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Comme je l'annonçais dans les titres, la rédaction a préféré revenir sur des éclairages qui ont été donnés par un expert en matière des élections. Eh bien, il fait remarquer que la Commission électorale nationale indépendante a les prérogatives de prendre des sanctions contre toute personne qui bat campagne électorale avant les échéances prévues par la loi, c'est-à-dire en délai de 2 semaines décrété par le président de la République. Maître Donatien Niyonsaba rappelle aussi que d'après le code électoral, lorsque cette commission ne s'auto-saisit pas sur cette question, une saisine doit être déposée par une personne, peut être déposée par une personne intéressée. Suivez-le au micro de Léonce Vitalio. Cette campagne, ces opérations visent à soutenir les candidats en compétition ou à se prononcer sur une question posée en cas de référendum. La campagne électorale, elle est ouverte par décret. 16 jours qui précèdent le scrutin et elle est close 48 heures avant le scrutin. Alors, qu'est-ce qui est prévu? D'après ce que j'entends, à ce que je sache, il n'y a pas eu de convocation du corps électoral. Donc, il y a violation. Maintenant, on peut aller sur un autre niveau. En cas de sanction, on dit que c'est l'article 219 du code électoral burundais qui stipule que toute propagande électorale, en dehors de la durée légale de la campagne électorale, est punie d'une amende de 800 000 à 4 millions. de Frambo. Il y a d'autres sanctions qui sont relatives à tout agent qui fait la propagande pendant les heures de service, tout comme il y a des sanctions qui sont prévues aux utilisateurs des moyens de l'État ou des biens de l'État. Qui doit prendre ces sanctions alors? Ici, le code électoral burundais est clair. L'article 236 du code électoral burundais stipule que pour les élections organisées sur le plan national, référendum, présidentiel, législatif, le bureau de la CENI est compétent pour prononcer les sanctions. Maintenant, la question qui se pose, qui doit saisir la CENI? Quel est le mode de saisine? Il y a deux façons de saisine de la CENI. C'est l'article 237 qui stipule la saisine d'office ou bien à la requête de toute personne ou organisation ayant la capacité d'ester en justice et justifiant d'un intérêt direct dans le processus électoral en cours. Voici grosso modo résumé ce que la loi prévue. L'ouverture de la campagne, les sanctions et les personnes qui doivent prendre ces sanctions. Est-ce que c'est respecté aujourd'hui? Ça, ce n'est pas mon point. Je ne me prononcerai pas sur ça. C'était Donatien, Maître Donatien Nyonsaba. Il est expert en matière d'élections. Le commerce de chèvres a été suspendu en commune de Bougindana en province de Gitega à la suite d'une maladie non encore identifiée apparue sur cinq collines de cette commune et qui a attaqué ses bêtes. Cela est confirmé par le technicien vétérinaire de cette commune, tout en indiquant que cette maladie est venue avec les chèvres distribuées par le projet Livimp. La population de Bougindana demande que le remède soit vite trouvé. Arthur Kavabouchi. Cette maladie qui a attaqué les chèvres de la commune de Bougindana et qui a causé la mort de beaucoup de chèvres n'est pas encore connue du fait que les experts qui ont prélevé le sang de ces chèvres pour le laboratoire n'ont pas encore donné de résultats selon le technicien vétérinaire communal. Ce technicien vétérinaire fait savoir que cette maladie a été causée par des chèvres que le projet Livimp a distribué sur cinq collines à savoir Mutoyi, Mukoro, Kibungo, Kivuvu et Nyakeru. Et chaque ménage en recevait une chèvre. Parmi les symptômes de cette maladie, il y a la diarrhée et la toux. Ce technicien vétérinaire indique que cette maladie vient de durer un mois et demi et que parmi les décisions prises, il faut laisser les chèvres au bercail et que même les marchés de chèvres ont été fermés dans la commune de Bougindana pour éviter la propagation de cette maladie. Certaines personnes contactées qui font le commerce de la viande de chèvre à Bougindana demande aux concernés de trouver rapidement le remède à cette maladie afin qu'ils puissent reprendre leurs activités étant donné que c'était la seule source de revenus pour eux. Sur 22 collines de la commune Bougindana, 5 uniquement ont reçu ces chèvres, mais comme cette maladie se transmet rapidement, aucune des chèvres n'est autorisée de quitter le bercail dans toute la commune Bougindana. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. De la santé animale, on parle santé des hommes. Il y a une femme dont on a retiré des cailloux de l'utérus au centre de santé de Kivyuka, en commune Musigati de la province Bubanza. Originaire de la colline Gatare, elle s'était rendue au centre de santé avec des douleurs au ventre. L'infirmière qui l'a reçue affirme que la malade présentait des signes d'une femme enceinte, alors que cette dernière dit avoir fait recours à la ligature des trompes pour ne plus faire des enfants. Selon le titulaire de ce centre de santé de Kivyuka, qui affirme cet état de fait, la femme a été transférée à l'hôpital de Bubanza car son état de santé est préoccupante. Et puis, la mise en place ce mardi des membres des commissions électorales indépendantes dans les communes de la mairie de Bujumbura a été effectuée. Ils sont au nombre de 15 à raison de 5 par commune. Le président de la commission électorale provinciale en mairie de Bujumbura indique que la mise en place de ces commissions a tenu compte des équilibres, mais que ceux qui s'estiment lésés peuvent introduire des réclamations jusqu'au 31 janvier prochain. Les détails dans ce reportage d'Aubin Niyonguru. Chaque commission communale compte 5 membres choisis suivant les équilibres constitutionnels, explique Terence Bizimana, président de la commission électorale en mairie de Bujumbura. Dans la commune Nahangwa, la commission communale est présidée par Honoré Niyomukiza, Hutu du CNDD-FDD. Les autres membres proviennent de partis politiques et organisations dont Amizero ya Barundi, Ligue Izere Ntiwihebure, Uprona et de l'administration municipale. Quant à la commune Mukaza, la CCI est dirigée par Patrick Mbonyumugenzi, aussi Hutu du CNDD-FDD. Les autres membres sont de l'association CASAF, de Fredebou Nyakouri du parti UPRONA et de l'administration municipale. Pour la commune Mouha, le responsable de la CECI est aussi Hutu de CNDD-FDD, Adolphe Nshimilimana. Les autres membres sont de l'UPRONA, des FNL, de la communauté islamique et de l'ONG OADAM. Robin Niyonguru. Éducation à présent, le comité de gestion de l'école du lycée Saint-Luc en zone urbaine de Ngagara dit ne pas comprendre le pourquoi du mouvement de grève qu'observent les élèves de cet établissement depuis lundi de cette semaine. Dangijimana Stanislas, président de ce comité, explique que la hausse du Minerval que dénoncent ces éduqués a été décidée à l'issue d'une réunion des parents tenue au mois de novembre l'année passée et à laquelle les élèves étaient représentés. Il demande à ces élèves de regagner les classes pour limiter les dégâts éventuels. Suivez Dangijimana Stanislas, il est président du comité de gestion de l'école du lycée Saint-Luc. Il est au micro de Placide Niyomongere. La cause de la grève, c'est la revue en hausse du Minerval. À voyer à la hausse, c'est le fruit de la concertation. D'abord du comité de gestion de l'école avec les autorités de l'école. C'était exactement quand? Nous avons réuni en assemblée générale les parents en date du 23 novembre 2017, où nous avons parlé longuement de cette question. Tenir une réunion à mi-parcours, pourquoi votre comité n'a pas pu tenir la réunion juste avant pour qu'il y ait rentrée scolaire, tous les éduqués étant au courant? Nous reconnaissons un peu que nous avons traîné les pieds, mais quand les parents et les autorités de l'école décident sur une chose, et ce qu'ils décident, c'est considéré comme une loi. Dans le statut régissant les comités de gestion des écoles, ce que vous appelez COGES, il est stipulé qu'au cours d'une réunion que vous organisez, il doit y avoir la représentation des élèves. Est-ce qu'ils étaient représentés au mois de novembre? Oui, j'étais d'ailleurs assis devant. Je les ai vus deux. Ils s'étaient représentés. Ils sont membres. Parce qu'on peut consulter même les listes de présence. Alors, on décide sur une chose telle que la revue en hausse du Minerval, les élèves conteste. Est-ce que je peux penser qu'il s'agit de la grève des parents à travers les enfants? Là, la question serait difficile. Je pense que, quand même qu'il s'agit d'une chose qu'il faut réfuter. On ne peut pas arriver à penser à cela. Ils sont mécontents certainement de la situation. Mais cela ne peut pas expliquer que ces enfants viennent dans la rue. Parce qu'il risque d'y avoir confrontation entre les forces de l'ordre et ses élèves. Les conséquences peuvent être dramatiques. Je demande aux parents de demander à ses élèves au moins s'ils ne viennent pas à l'école de rester à la maison, si c'est possible. Parce que les enfants même peuvent refuser l'ordre des parents, nous savons actuellement. Voilà, c'était Stanislas Ndagijimana. Il est président du comité de gestion de l'école du lycée Saint-Luc en zone urbaine de Ngagara. Rappelons qu'à cette école, les élèves ont suspendu les cours depuis lundi pour protester contre l'augmentation du Minerval. Et pour le cycle fondamental, le Minerval est passé de 14 à 18 000 francs burundais. Et au cycle technique, le Minerval est passé de 18 700 à 24 000 francs burundais par mois. Les travaux d'aménagement de la canalisation de la rivière Nyabagere ont repris après que la première canalisation ait été endommagée. La population riveraine s'inquiète que si ces travaux ne sont pas bien faits, le risque est grand que cette canalisation soit encore une fois détruite par des pluies. Elle demande que cette rivière soit protégée de façon durable. Arlène Iguilanez. Quand tu arrives sur la rivière Nyabagere, dans le quartier Nyabagere, zone Kamenge, près de la route de Bujumbura-Bugarama, on est accueilli par des travailleurs avec des pelles qui débouchent la canalisation d'eau de cette rivière, visiblement qui avait été réhabilitée. D'autres qui déchargent le sable de cette même canalisation et ceux qui détruisent avec des marteaux à certains endroits qui venaient d'être réhabilités. Certains habitants riverains à cette rivière disent que de tels travaux avaient été faits, mais qu'en période de pluie, tout est détruit. Cette personne dit que la construction de l'avant a été endommagée, mais qu'aujourd'hui, il pense que ces travaux repris seront efficaces. En premier lieu, on avait fait les constructions, mais ces constructions ont été endommagées par la pluie. Les études qui étaient faites ne correspondaient pas avec les constructions faites. Cette fois-ci, je pense qu'on a fait une étude suffisante et les travaux qu'on vient en train de faire seront efficaces par rapport à ceux effectués auparavant. Nous demandons que les travaux qu'on est en train de faire soient efficaces afin de protéger les ménages très proches de la rivière Nyabagere. Certains habitants disent que ces travaux devraient être faits par des sociétés qui ont de l'expérience et ceux qui vivent à côté de cette rivière puissent contribuer pour que ces travaux soient faits de façon durable. Arlène Iguiranaise. Il est 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Certains commerçants opérant au marché dit Kotebu, au nord de la capitale Bujumbura, préfèrent étaler leurs marchandises en pleine route. Les uns avancent comme raison qu'ils n'ont pas de stand à l'intérieur, tandis que d'autres expliquent que c'est là où ils reçoivent plus de clients. Certains qui restent à l'intérieur, quant à eux, se plaignent d'avoir moins de clients. Nous reviendrons sur ce reportage dans notre édition de la soirée. En actualité internationale, inondations et choléra sont le fruit de l'urbanisation anarchique de Kinshasa selon Médecins sans frontières. Les inondations qui frappent Kinshasa entraînent une propagation du choléra. À ce jour, plus de 470 cas suspects recensés et 25 décès. Selon les autorités de la ville de Kinshasa, les populations frappées par des inondations et les glissements de terrain ont commis une faute en construisant sur des sites inappropriés. Et en Guinée équatoriale, alors que les autorités ont annoncé fin décembre avoir déjoué une tentative de coup d'État, l'envoyé spécial de l'ONU affirme que les Nations Unies appuieront les autorités dans ces efforts de stabilisation. Et je l'apprends en même temps que vous, un certain Baliouab de la colline Mouzima en commune et Provence Bururi a été retrouvé mort à son domicile l'après-midi de ce mardi. Des sources proches de sa famille indiquent que cette mort est survenue pendant que personne n'était à la maison. Les mêmes sources ajoutent que rien ne prouve qu'il s'agit d'un suicide, même si un bout de corde a été retrouvé autour de son cou. La police affirme les faits et fait savoir que les enquêtes ont déjà commencé pour savoir s'il s'agit d'un meurtre ou d'un suicide. Il est 13h12 à Bujumbura, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. C'est Jean Dodieu Ndaïsenga qui l'a mise en onde. Au micro Jean Bosco d'Ouimana, un bon après-midi. Yeah.